À propos des médailles de Louis XIV, références et pratiques médiévales à la cour. La conjoncture est favorable. Depuis l'étude de Pierre Pradel, parue en 1937, sur la symbolique de la chapelle de Versailles, se sont multipliés d'importants travaux, notamment ceux d'Alexandre Maral. Et, sous la direction d'Ivan Loskutov, des études sur le temps long, du Moyen Âge au temps moderne, qui éclairent le propos. Notre méthode de recherche sur l'époque médiévale est fondée sur les Pères de l'Église. L'ouvrage d'Henri de Lubac sur les quatre sens de l'écriture en est une base. Cette méthode nous a amenés, en consultant les médailles de Louis XIV réunies dans le recueil de 1702, à la suite du premier colloque qui s'est tenu sur le site de la Bibliothèque nationale de France Richelieu en 2015, sous la direction d'Ivan Loskutov, a observé que certains usages du Moyen Âge semblaient retenus à la cour, notamment dans le domaine de la symbolique des nombres, des formes et des priorités directionnelles. Ces points seront développés. Cette communication présente quelques-uns des résultats de l'enquête qui est élargie à la symbolique des couleurs. Successivement, nous évoquerons les médailles et la voûte de la Grande Galerie, puis des symboliques en usage au Moyen Âge, des pères de l'Église à la valorisation, et sous cet éclairage, les références et les pratiques à la cour, ainsi que leurs conséquences sur des espaces de mémoire, des espaces sanctifiés. Enfin, en conclusion, sera posée la problématique de la permanence de la transmission. 1. Les médailles et la voûte de la Grande Galerie, valorisation par le nombre, la forme, la priorité directionnelle. Nombre et forme, l'octogone. Ivan Loskutov a relevé dans une de ses récentes publications que 6 octogones timbrés, la voûte de la Grande Galerie, sorte de clé de voûte, précédant de grands médaillons, en évoquant les médailles correspondantes qui présentent, dans le recueil de 1702, la particularité de l'intime association de l'image et du texte qui l'accompagne. La confrontation des peintures et des médailles souligne la valorisation des premières par un cadre de forme octogonale. Ce point, je sais que la galerie sera présentée tout à l'heure, et ce point sera donc développé, manque de temps, dans la publication. Les nombres valorisants 8, 10 et 5. Joseph Jacquet, dans son étude sur les portraits de Louis XIV, gravés sur des médailles, des séries métalliques uniformes, relève que 8 portraits sont retenus pour la série gravée d'après le choix des têtes fait par l'Académie royale des inscriptions. Le nombre 10 apparaît ensuite, 2 s'ajoutant à la première série. Enfin, la pièce justificative numéro 2 précise une tête différente de 5 ans en 5 ans. Les trois nombres, nous le montrerons, ont une signification christique. Quant au nombre 6 des octogones de la galerie, il est le nombre de l'achèvement. Nous le préciserons également. La priorité directionnelle valorisante, de droite à gauche. Sur la médaille de la campagne de 1667, le roi est représenté en cavalier, dirigé de droite à gauche, signe valorisant, nous le montrerons. Ajoutons la prise de Dôle. Il s'agit de la représentation équestre du nouveau Constantin qui tient un bâton de commandement ceint d'une couronne murale évoquant l'intervention du roi en faveur de deux prélats, à Spire et à Mayence, contre le pape. La consultation des images réunies par Bleuwen-Ricordel sur la place du cheval dans la représentation du roi du XVIe au XVIIIe siècle nous a confortés dans cette lecture valorisante. Une approche élargie de l'étude de Cordel sur la volonté du mural permet de préciser davantage. Bon, je rentre dans les détails précisément, mais vous avez ça dans la publication, je vais à l'essentiel. Les effigies équestres dirigées de la gauche vers la droite, au nombre de 12, sont des images d'action, d'actes militaires au nombre de 10, de chasse et de château, respectivement au nombre de l'unité. En revanche, les effigies équestres sont dirigées de droite à gauche, signe valorisant, au nombre de 26, soit pour 15 représentations, 12 du roi, dont Louis XIV jeune, 2 femmes et le dauphin. Pour 7 victoires, pour 2 représentations des châteaux de Versailles et de Vincennes. Enfin, une pour une entrée et pour une chasse. Un signe dévalorisant la couleur jaune. En effet, Ricordel relève, à juste titre, en évoquant les travaux de Michel Pastoureau, que l'artiste utilise plus de jaune, couleur de la traîtrise, couleur du juif, couleur de Judas, couleur dévalorisante, pour les robes des chevaux de l'ennemi intérieur. À l'issue de cette première enquête, soulignons l'importance bien connue de l'effigie équestre à la cour. Des pères de l'Église à la valorisation, référents patristiques et leur emploi, les nombres. Le nombre, évidemment, je me renvoie à l'ouvrage de Henri de Lubac, le deuxième volume, tome 2, pages 7 à 40, où tout cela est admirablement présenté, avec des sources que j'ai vérifiées. Le nombre 8 est celui de la commémoration du salut et du Nouveau Testament, selon saint Augustin, Honoré d'Autun et Pierre le Vénérable, et celui de la pleine lumière et du solstice éternel selon saint Bernard. Le nombre 7 est le nombre de l'histoire du salut ou de l'Ancien Testament. J'ai fait le point à propos de la Sainte-Chapelle, de la cathédrale d'Amiens et de Saint-Denis dans des publications, soit en cours, soit déjà faites. Le nombre 5 évoque les 5 plaies du Christ. Le nombre 4 renvoie à l'immanence, à l'homme, à l'univers, au temporel, à la forme de la création organisée, élevée, le point est essentiel, par l'incarnation du Verbe à une dignité plus haute, le symbolisme de la croix, selon saint Ambroise, saint Augustin et Rabanne-Mort. Là, on fait le point également à propos de la Sainte-Chapelle. Jacques de Voragine, par exemple, dans la légende dorée, rédigée entre 1261 et 1266, utilise souvent le nombre 5. Par exemple, la couleur du Christ, la douleur du Christ en sa passion fut produite par 5 causes. J'ai réuni plusieurs exemples. Dans son ouvrage posthume sur Prima, récemment publié, Bernard Guenet relève qu'Émoin, auteur vers l'an 1000 de l'Historia Francorum, ainsi que Prima, qui utilisa cette œuvre pour rédiger sa propre histoire de France à l'attention de Louis IX, prenait plaisir à jouer des nombres. Nous avons précisé, la publication est en cours de la Revue française d'héraldique et de sigillographie, nous avons précisé leur valeur symbolique. Ces nombres sanctifient leur démarche. Un mot sur le nombre 2, qui n'est pas un nombre véritable, toujours d'après les Pères de l'Église. Il est l'unité divisée. Cependant, son rôle est considérable dans les jeux d'opposition, de miroir, de questionnement et de réponse. Les formes. Le cercle est une forme célestielle. Le quadrilatère est une forme terrestre. Je ne rentre pas dans les détails. Nombre et forme, l'octogone. Le nombre 8 est le jour du Seigneur ressuscité. Nous connaissons le Castel del Monte. Le nombre 8 est souvent utilisé pour les chapiteaux dans une nef de l'église, pour un baptistère, le baptistère du Latran par exemple, pour une coupole sur 8 piliers ou un octogone. Les exemples sont multiples à Byzance, d'après le livre des cérémonies de Constantin VII. Au XVIIe siècle, un portrait est volontiers entouré d'un cadre de forme octogonale, où un octogone est retenu pour un bâtiment. De beaux exemples, bon, le catalogue de l'exposition qui a été cité tout à l'heure, remarquable, destiné pour bâtir, exposition à l'Archive nationale. Plusieurs nombres peuvent être réunis. Ainsi, par exemple, la grande audience du palais des papes en Avignon, ou la chapelle de la priorale de Poissy. Vous verrez le détail. Ajoutons parmi les formes le soleil, sol justicier, si cher aux Valois, notamment à Charles VII. Vous connaissez la tapisserie du Louvre. Les priorités directionnelles. Le cloître de Moissac nous a montré, par la signification globale des chapiteaux et leur distribution dans les galeries, de l'est vers le sud, en passant par le nord et l'ouest, paraissent prioritaires pour les moines lors de leur déambulation dans les galeries. D'autres indices ont soutenu cette lecture du sens prioritaire qui va de droite à gauche, de l'est vers le sud, en passant par le nord et l'ouest. En rassemblant des jeux d'écho, ceci a été présenté à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et publié. En rassemblant des jeux d'écho, de réponse, de complémentarité, est apparue la valorisation du sud, référence célestielle. Grâce aux travaux de Michel Perrin, nous savons que pour l'homme antique et les juifs, la droite est masculine, la gauche est féminine, la droite prédomine. Il en est de même à Byzance, d'après le cérémonial. Selon Sugère et le liturgiste Sicard de Crémone, les femmes sont placées à gauche de la nef, les hommes à droite, respectivement ad sinistram, ad dexteram. Le palais des papes en Avignon sous Clément VI nous montre notamment que le siège du pape est placé contre le mur sud, dans le tinel, le consistoire et la chambre de parement, qu'il s'adresse à la foule de la fenêtre de l'indulgence dans le même sens au seuil de la grande chapelle. En revanche, la cathèdre du pape est du côté nord de la grande chapelle et le trône du juge dans la vice-gérance était placé contre le mur nord. Le jeu entre les deux priorités directionnelles apparaît également sur les sceaux. Un bel exemple de ces jeux est celui du chevalier de la honte, voire la belle étude récente de Michel Zinck, qui est représenté de gauche à droite, jusqu'aux années 1400, sous Jean Berry, où Lancelot est figuré dans l'autre sens, de droite à gauche, en opposition au sens de l'écriture, illustrant la nouveauté, la priorité de l'amour sur la raison. La priorité directionnelle en usage dans l'Église, le phénomène est bien connu, devient un signe de valorisation dans le monde civil, illustrant notamment la politique royale. Nous avons réuni plusieurs exemples. Les couleurs. Le rouge évoque le sang versé par ou pour le Christ, voir les travaux de Michel Pastoureau. Le vert est la couleur de l'espérance, de la vie, de la nativité. Dans notre ouvrage « Images du royaume de France » paru il y a quelques années, nous avons montré que pour le jeune Louis IX, la couleur verte, la fameuse chambre du palais de la cité où il pourrait avoir consommé son mariage, reflétait un culte marial précis, la protection de la Vierge qui enfanta le Christ sur la maison de France. la naissance d'un fils. Les couleurs emblématiques des Valois apparurent sous Charles VII. Nous avons fait le point dans le même ouvrage. Leur signification christique est soulignée. Autre référence. Quelques références utiles pour notre propos doivent être assemblées. Nos travaux nous ont permis de souligner l'association des quatre évangélistes à l'image du roi ou du prince, la femme messagère de la paix. Des espaces sanctifiés ont été repérés. Versailles. Référence et pratique à la cour. L'approche de Versailles est enrichie sous cet éclairage. La symbolique des nombres et des formes. Les pratiques de la cour sont imprégnées de la symbolique des nombres. Le nombre 5, nombre christique par excellence. Dans la dernière chapelle royale, la cinquième, 5 marches précèdent le maître-autel. Le 5e carreau est réservé au dauphin lors du mariage du duc de Chartres. La série de la tenture de l'histoire du roi, composée de 14 pièces, joue sur les nombres. La première est réservée au sacre, la 5e représente l'entrée du roi à Dunkerque, la 8e représente la chambre du roi lors de l'audience du cardinal Chigui, la 10e est réservée au siège de Douai. La dernière, la 14e, 2x7, représente le siège de Dôle, siège célébré, nous l'avons vu, par une médaille. La succession des 8 avers, des médailles évoquées à propos des portraits du roi, scande les différents âges de la vie du roi. La semaine du roi joue également sur la symbolique des nombres. Le 5e jour, le vendredi, le conseil de conscience traite des affaires de l'Église en présence du confesseur. Le 7e, le dimanche, est réservé aux grandes décisions par le conseil d'État ou des ministres, dit parfois conseil d'en haut. Il en est de même des autres jours. Le roi communie ordinairement 5 fois par an lors de ce que l'on appelait les bonjours du roi. L'argumentation sur la soumission du clergé à l'État est présentée en 5 points. D'autres exemples pourraient être cités. Le nombre 8 a été évoqué à propos de l'histoire du roi et des conquêtes, topoi du bon gouvernement. 6 octogones, si l'octogone donc joue le rôle en quelque sorte de clé de voûte dans la galerie. En outre, 8 bustes de la série des 12 Césars sont à Porphyre et 5 statues antiques. Le nombre 8 est particulièrement sollicité. La voûte de la chambre du roi à Vaux-le-Vicomte est octogonale. Elle est timbrée de Clovis recevant le bouclier fleur-de-lysé. Le nombre 12, le nombre surabondant, l'accompagne à une frise de panneaux symboliques faisant l'éloge du temps. Les nombres 8 et 12 sont souvent associés. Le vœu de Louis XIII, 1708-1725, réalisé par Robert de Cotte, présente 8 tableaux au-dessus des stalles. À Versailles, le fameux bassin de marbre dans les appartements du roi est de forme octogonale. La mort du roi est scandée des nombres 8 et 2, soit le nombre parfait, 10. Le roi est mort le 1er septembre, le déplacement du corps suit le lendemain, le corps du roi est exposé dans la chambre ardente du 3 au 8 septembre, soit 6 jours, l'ensemble formant le nombre 8, qui est suivi d'un transport à Saint-Denis les 9 et 10 septembre. Au cours de la messe, le célébrant doit accomplir au moins 10 inclinations en direction du roi. La cinquième se place à la consécration, avant la préface. La huitième, lors de la bénédiction. Enfin, la dixième, lors de la sortie. Le nombre 12 est également retenu. Le nombre 12 nous amène au nombre 13. 12 plus 1. Le nombre 13 est particulièrement sollicité lors de la cérémonie dite de la scène royale en référence à la passion du Christ, mais aussi à la cérémonie similaire connue sous le nom de mandatum que le souverain pontife et tous les évêques du monde catholique accomplissent ce jour-là. Cette cérémonie, dont l'emplacement sera particulièrement relevé à Versailles, est timbrée plusieurs fois du nombre 13. La signification de ce nombre est discutée. Nous retenons cependant volontiers le royaume autour du roi, à l'image du Christ, entouré de ses 12 apôtres. Sous Saint Louis, l'émission des gros tournois est datée par les numismates entre 1266 et 1270. La bordure est composée de 12 lys. Sur la dernière émission, vers 1270, à la veille de la croisade, la bordure compte 13 lys. Évocation du royaume autour du roi, à l'image des apôtres autour du Christ. Joinville a également évoqué ce point, je cite, « Nous qui étions autour de lui », ce propos a été rapporté par Le Goff. Dans l'Antiquité, le 13e dans un groupe est le plus sublime, Zeus et les 12 dieux. Ulysse, qui est le 13e de son groupe, échappe au cyclope. Selon Richard Carl Jackson, l'ordo de Reims, qui date de 1230 environ, l'offrande du roi, 13 pièces d'or, lors du sacre, est ajouté à l'offrande du pain et du vin dans une aiguille d'argent. Dans le dernier ordo capétien, à la fin du règne, les 13 pièces d'or se transforment en 13 besants d'or. À cette époque est écrit, bon, j'ai montré cela dans une communication récente sur la croisade, etc., l'esprit de croisade et l'histoire, dans le bulletin de la Société nationale des antiquaires de France. Et c'est en cours de publication. À cette époque, et aussi à la revue française d'Héraldique et Géographie. À cette époque était créée par le pape Urbain IV, en 1264, la fête Dieu. Dieu, modèle du roi. À propos de cette fête, relevons que les déplacements du roi à la paroisse de Versailles ou du lieu où il résidait sont réservés aux manifestations publiques, notamment la fête Dieu. Le nombre 15 peut être également retenu. Il peut être 3 fois 5. Mais plus volontiers, l'association de l'Ancien et du Nouveau Testament, 7 plus 8, que commente le Christ en accompagnant les pèlerins d'Emmaüs. Les jours solennels des vêpres ou vêpres du roi sont au nombre de 15. Ce nombre ne peut être neutre. L'Église remercie Dieu pour les merveilles de la création. Ne négligeons pas le nombre 2, qui n'est pas un véritable nombre, nous l'avons dit, mais qui est souvent retenu dans les jeux d'opposition, d'écho, de dialogue. Versailles en présente de multiples jeux. Retenons par exemple, outre l'avers et le revers des médailles, le réel vers les jardins, l'illusion vers les glaces, dans la grande galerie. L'opposition, l'eau, Vénus, et le feu, Apollon, la reine, le roi, suivant un récent colloque. Les deux courbes de l'escalier des ambassadeurs, l'un à gauche, se dirigeant vers les appartements, l'appartement du roi, l'autre à droite, se dirigeant vers la chapelle, ou le monogramme du roi, composé de deux L croisés, dont l'un est inversé. Ajoutons le parallèle entre la grandeur de Dieu et la grandeur du roi. Quant aux formes, outre l'octogone, le couple cercle et quadrilatère semble timbre des espaces significatifs. Par exemple, les murs de part et d'autre de l'effigie royale dans les appartements, le sol de la chapelle ou le palier supérieur de l'escalier de la reine. Les couleurs. Les couleurs rouge, blanc, vert, celles des Valois, dont la signification christique, nous l'avons vu, n'est pas exclue, se retrouvent à Versailles, dans l'escalier des ambassadeurs. En le pavillon royal à Mardi, contemporain de l'escalier, le rouge timbre l'appartement du roi, le vert l'appartement de la reine, en écho au couple du Christ et de la Vierge, tandis que l'aurore, le jaune orangé, le jaune doré et le bleu, les couleurs héraldiques de la maison de France, timbrent les appartements des princes de sang. Toujours à Marly, l'escalier de la cascade, achevé en 1702, considéré comme la plus belle fontaine de l'Europe, est composé de marbre rouge, vert et blanc. J'ai fait le point et c'est en cours de publication dans la revue portugaise Armas et Trophéus. Plus généralement, le contraste à Versailles entre le blanc et la polychromie était particulièrement signifiant. À l'évocation de l'Antiquité par les marbres et les moulages, les collections royales affirmant la supériorité sur Rome qui avait perdu son éclat, répondait la polychromie qui réunissait l'art contemporain et l'art médiéval. Dans la chambre du roi en 1701, aux couleurs d'été argent et vert, ou d'hiver or et rouge cramoisi, des tentures, rideaux et pentes sur le mur du fond, au tableau, répondait le blanc de la voûte. Les priorités directionnelles. Le château de Versailles respecte plusieurs des points précédemment retenus à l'époque médiévale. Le roi, l'homme, à droite. La reine, la femme, à gauche. La priorité directionnelle de la guerre vers la paix. Respectivement les appartements du roi aux appartements de la reine, du nord vers le sud. La valorisation du sud en la position du lit et du trône dans les deux salons des appartements, respectivement les salons de Mercure et d'Apollon, qui sont appuyés sur le mur sud, faisant face aux fenêtres. À Marly, le lit dans la chambre du roi est également appuyé sur le mur sud. La chapelle présente également le respect des usages. Par exemple, les 16 stations, 2x8, de la Passion du Christ se déroulent du sud vers l'est, en passant par l'ouest et le nord, à l'opposé de la déambulation des moines dans le cloître de Boissac. Par exemple, il s'agit essentiellement de la chapelle du roi-évêque, de l'évêque du dehors. Lors de la cérémonie de promotion dans l'ordre du Saint-Esprit, le trône du roi, surmonté d'un dé, était dressé à l'entrée du sanctuaire du côté de l'Évangile, situation qui rappelle celle de l'évêque officiant, mais également celle du pape au palais d'Avignon. Pour faciliter la distinction des deux priorités directionnelles, nous nommons celle de l'Église, en le cloître de Boissac par exemple, schéma 1, et le second, schéma 2. Le schéma 2 est retenu par le roi pour le circuit officiel dans les jardins. Le premier étant établi lors de la visite des ambassadeurs de Siam en automne 1686. À propos de l'effigie équestre du roi, relevons que sa représentation par Prince Vox dans le salon de la guerre a pour priorité directionnelle la gauche vers la droite, en accord avec le schéma 2. Les deux schémas, nous l'avons dit, peuvent être associés, notamment l'escalier des ambassadeurs et en le monogramme composé d'un double L. La chambre de 1701. Les priorités directionnelles furent brutalement autres en 1701. Le roi installe sa chambre au centre du palais, dos à la galerie des glaces et au jardin, refusant le parcours du soleil. Le lit étant tourné vers l'est, reprenant le schéma d'Aix-la-Chapelle ou du palais de la Cité. L'empereur, le roi, face à Dieu, comme en la chapelle, la dernière, du château, dont elle emprunte en écho la priorité directionnelle. Ne négligeons pas que la Pentecôte, particulièrement célébrée par la Maison de France, notamment lors des adoubements, illumine la tribune du roi, accompagnée de la Sainte Ampoule et du baptême de Clovis. La sacralité du roi en cette chambre est soulignée par le décor, notamment par la présence des quatre évangélistes qui accompagnent, nous l'avons dit, l'image du roi sous les Valois, de David et de Saint Jean-Baptiste, si chers à la Maison de France, et du denier de César. Une précieuse image de l'angle nord-est de la chambre, conservée à Stockholm, permet de relever la position significative côte à côte de Saint Matthieu, le collecteur d'impôts, et du tribut de César, sur le mur nord, timbré d'une cheminée et d'un miroir, et dont l'ouverture voisine permet, suivant le schéma 2, rejoindre la chapelle. Le tableau Agar et l'ange, Gabriel réconforte la mère sur le sort d'Ismaël, est également riche de sens. Il évoque, comme le bassin dit des crapauds, le bassin de Latone, la mère d'Apollon. Les paysans qui attaquent l'enfant sont transformés en grenouilles. La naissance inespérée de Dieudonné et la souffrance du jeune Louis. Un dialogue entre le roi et Apollon mériterait évidemment un développement. D'autres points méritent également l'attention. Notamment, ce décor n'est pas sans évoquer une sorte d'ex-voto. Cette chambre est inaugurée au lendemain du triomphe de l'accession de Philippe V au trône d'Espagne. Souvenons-nous des pèlerinages de sa mère, Anne d'Autriche, auprès de sanctuaires dédiés à Marie, notamment à Notre-Dame-du-Puy, en Anjou, pour honorer la ceinture de la Vierge. Le vœu de Louis XIII ne peut être également négligé. Quoi qu'il en soit, cet espace est un espace de mémoire. Notons que l'autre que la chambre voisine, l'antichambre, le salon des l'œil de bœuf, le décor est timbré d'enfants. Espace de cérémonie, espace sanctifié, je résume. La chambre du 1701, la mémoire de la naissance inespérée du donné et des souffrances du jeune Louis, relevant qu'à proximité se trouvait la première chapelle. Deux autres espaces. La salle des gardes, volontiers, par ses dimensions, espace d'accueil et de cérémonie, paraît également sanctifié par la proximité de deux chapelles suivantes dont elle occupe l'espace. C'est là que se tient la scène royale du jeudi saint, le mandatum, et qui sera retenue par Louis XV pour le lit de justice, reprenant scrupuleusement la distribution hautement symbolique de la grande chambre du palais de la Cité, notamment la position du lit de justice dans l'angle nord-ouest et la diagonale qui mène sud-est-nord-ouest. Enfin, l'appartement des bains, timbré d'octogone au pluriel, n'est pas sans évoquer un baptistère, le baptistère du Latran par exemple, espace également à proximité de la première chapelle. Ajoutons le titre erroné de la chambre du trépas de Louis XIV, qui représente le salon de Mercure, l'ancienne chambre du roi, qui pourrait être une erreur volontaire, corrigeant la dernière image voulue par le roi, la chambre de 1701, au centre du palais, emplacement volontiers retenu pour la chapelle par des critiques de la dernière chapelle royale. Conclusion. Je finis là. Conclusion. La problématique de la, et la permanence et de la transition. Un mot sur une hypothèse dont l'étude mériterait d'être poursuivie, le rôle essentiel de Byzance. L'ouvrage « Palais et pouvoir » de Constantinople à Versailles, paru récemment, donne quelques pistes. Nous avons plusieurs indices favorables. Nous pouvons malheureusement développer ce point. La connaissance du Moyen-Âge à l'époque de Louis XIV mériterait également une attention particulière pour notre propos. Une simple disposition chronologique des publications le montre clairement. Parmi ces érudits, nous retenons en premier lieu le rôle bien connu des jésuites, toujours présents auprès du roi. Nous renvoyons notamment aux travaux de François Daville, d'Annie Butter et de Michel Pastoureau. Ce sont les jésuites qui ont été chargés de publier la Byzantine du Louvre, la grande collection des sources publiées en 1648 et dont les derniers volumes paraissent en 1702. Un indice précis, vu in situ, des relations étroites des jésuites avec notre propos est conservé à Mannheim. Le château a été élevé entre 1720 et 1760 sur le modèle de Versailles. L'église de la cour est une église des jésuites. Les couleurs rouges et vertes timbrent le blanc du décor de l'église. Relevons que cette chapelle se situe hors du château, au seuil de la ville, qui, comme vous le savez, est quadrillée au point que les rues sont désignées par des nombres et des lettres. Quant au marbre des trois couleurs de la cascade de Marly, ils furent utilisés après la démolition, à notre connaissance, que dans des églises parisiennes. En l'église Saint-Sulpice notamment, où l'on trouve également le marbre provenant de Libye, saisi après le bombardement de Tripoli, qui furent également retenus pour le château de Versailles. Je vous remercie.